Aux réservations, il est sage de louer sa place. Je voudrais louer des places au train de 9h15 dimanche matin. Deux allées en seconde et dans un compartiment de non-fumeurs. Vous êtes très pessimiste, monsieur. Le dimanche, ce n'est pas la peine. Vous êtes optimiste, vous. Je veux absolument louer ma place. Je ne voudrais pas rester debout pendant 3 heures. Impossible, monsieur. Mais je veux une place assise. Départ à 9h15, vous dites. Vous n'avez pas bien regardé l'horaire. Le dimanche, vous avez un train le matin à 7h et un train le soir à 20h. Ils partent au quai numéro 9. Lequel choisissez-vous? Le train de 8 heures du soir. Mais je veux louer ma place. Et en première.